11. Esquisse d'une femme. Ce bon monsieur barbier est-il aimable, dit-elle en pesant de tout son corps sur le petit homme chancelant, qui souriait sous la joyeuse égoïste. J'adore les hommes de sa taille, c'est d'incommode, merci. Merci, bon monsieur barbier, poursuivit-elle, en faisant voler jusque sur sa figure le léger mouchoir brodé qui enlevait la poussière de ses pieds. C'est un papillon, dit monsieur barbier, qui mentait à sa douleur d'épaule. Le peintre les regardait faire. Sa nièce, un pinceau à la main, pensait tout bas au brusque départ du jeune homme. « Ah, monsieur Léonard, qu'il faut vous aimer !» s'écria l'élégante pour traverser ce déluge de briques rompues. « J'ai cru que je mourrais de rire au milieu de ces ruines menaçantes, où monsieur Barbier a failli s'engloutir et disparaître pour me faire un chemin. Je ne le reconnaissais plus, tantôt je le prenais pour un tas de plâtre, et tantôt je prenais un mur tombé pour lui. Dieu, quelle aventure périlleuse ! C'est comme aux catacombes. Voyez si monsieur Barbier n'a pas l'air d'un moineau tombé dans la poussière. » Et après avoir ri aux éclats de ce danger, elle ajouta « Monsieur Léonard, quand quittez-vous cette horreur ?»« Aussitôt qu'on en aura fait la plus belle rue de Paris, madame. Jusque-là, j'y garderai ma cellule. Sous Girodet, appuya-t-il avec un peu d'orgueil. » « Cellule, c'est vrai au moins, reprit madame Germeau. C'est une thébaïde que cela. Et ce petit ange tout sérieux doit y faire de profondes réflexions. » « Les belles fleurs, » dit la jeune fille, honteuse de sa distraction, en recevant des mains de madame Germeau le délicieux chapeau garni de blonde qu'elle venait de dénouer. « Vous voyez, madame, qu'elle y fait toutes les réflexions de son âge et de son sexe, » répondit le peintre. « Oui, oui, » appuya finement monsieur Barbier de son sexe, « il faut toujours en revenir à la chanson sans chien. » « Et sans houlette, n'est-ce pas, monsieur Barbier ?» s'écria vivement madame Germeau, qui tremblait qu'il ne chantât. « De grâce, respirez, pauvre ami. Vous n'êtes pas en voie après vos évolutions dans les décombres, et vous nous garderez cela pour égayer nos séances, car je viens me faire peindre, monsieur Léonard, poursuivit-elle en se retournant vers lui, voyez. » Et elle posa, avec la gracieuse conscience du vêtement le plus remarquable et de la création la plus récente. « Cette pose vous plaît-elle, monsieur Léonard ?»« Elle est peut-être trop bien, répondit le peintre, car elle est un peu mieux que nature, et sans vous déranger d'avance, nous trouverons quelque chose qui vous fatiguera moins. » « C'est que c'est mon attitude favorite, monsieur Léonard. Une habitude de maintien est un trait de physionomie, vous le savez. Il faut que l'on dise, même avant de regarder la figure, « Ah, comme c'est elle !» ce que j'ai dit en voyant ma cousine Irma vêtue de rose. « Toujours en rose, ma cousine Irma. »« Nous tâcherons, » répondit gaiement monsieur Léonard, « car ce serait bien dommage qu'on ne vous reconnût pas. Qu'en dites-vous, petite ?»« Tout à fait, mon oncle, » répondit au hasard sa nièce, qui comptait avec saisissement, dans l'écho du long corridor, des pas qu'elle croyait reconnaître. En effet, on frappa presque aussitôt, et c'était lui, qui, lorsqu'elle ouvrit la porte, s'arrêta respectueusement devant elle, sans entrer d'abord. « Un mot à monsieur Léonard, s'il peut l'entendre, mademoiselle. Vous n'entrez pas, dit-elle timidement. » Il s'inclina et attendit. « C'est vous-même que l'on souhaite, mon oncle, dit-elle en rentrant avec discrétion pour ne rien entendre. » Mais elle ne savait que penser d'un commissionnaire, courbé sous le poids d'une statue, qui paraissait suivre et attendre les ordres d'Yorick. J'ai rencontré cet homme qui cherchait après moi. J'avais oublié mon rendez-vous avec lui à votre porte, et je vous demande asile pour cette petite Diane, monsieur Léonard, dit-il au peintre qui restait étonné devant lui. Asile pour vous et vos amis, monsieur, repartit-il enfin. Vous savez comme nous faisons place ici, quand nous sommes trop à l'étroit. Il faut lui en donner une inamovible, répliqua le jeune homme, car elle sera trop bien ici pour vous quitter jamais. Vous me permettrez de lui rendre son piédestal, un bout de colonne pour l'élever et la soutenir. Il a fait avec elle le voyage de Rome. Expliquez-moi. C'est pour l'étudier avec vos lumières, monsieur Léonard, et mademoiselle verra que ses mains sans bague sont belles comme les siennes. » Madame Germeau cherchait durant ce temps, avec anxiété, où se cachaient les miroirs dont l'absence commençait à l'agiter. « Madame, vous cherchez quelque chose ?» demanda la jeune artiste. « Un ami, cher enfant, qui me regarde et me réponde. Un miroir, s'il vous plaît. Est-ce que vous vivez sans miroir, pauvre fille? Pour moi, je ne peux m'en passer, même pour me regarder dormir. Jugez quand j'ai une robe nouvelle du goût de celle-ci. C'est ma cousine Irma qui me l'a choisie. Elle choisit mieux pour les autres, cette aimable cousine. Aussi je l'aime. Elle lit si bien dans mon cœur. Oui, elle est bien belle, dit sérieusement la petite Flamande. Bien nouvelle, bien légère et bien originale, n'est-ce pas? Mais on a beau me le dire, personne ne m'en fait compliment comme un miroir. Monsieur Léonard, vous allez me gronder. Vous me trouvez pâle, n'est-ce pas ? Non, certes, madame. Si, je dois l'être, mais c'est ma faute. Je me suis réveillé à 2 heures du matin, tout habillé devant ma glace. Je n'avais pu me quitter moi-même, et je veux mon portrait dans ce vêtement, monsieur Léonard. Celui de l'an passé ne me ressemble plus. La taille est horriblement courte, et le ponceau est en horreur ce printemps. Je veux que mon mari me voie toute sa vie comme me voilà. Il me semble qu'il m'aimera mieux. Un miroir, petit ami, un miroir, cria-t-elle avec le trépignement d'un enfant volontaire. La nièce de M. Léonard apporta courageusement dans ses bras la glace à bordure gothique, qui lui servait chaque soir pour tresser ses longs cheveux, sa seule parure de toute l'année. « Est-ce là votre ami à vous, ma pauvre belle ? » dit-elle avec une tristesse comique. « Ah, mon Dieu ! Mais c'est comme un avare, ou bien comme ceux qui vous regardent sans vous voir, » ajouta-t-elle, en jetant un coup d'œil vif et prompt sur Yorick, dont le regard, pris ailleurs, n'était pas en effet admirateur pour elle. « Monsieur Léonard, ne faites aujourd'hui que la robe, je vous prie, car je suis changé, autant que j'en peux juger là-dedans, où je me vois comme dans un seau d'eau trouble. » Ondine n'écoutait pas mes dires de son miroir. Retirée contre son chevalet, elle subissait avec une résignation tremblante la comparaison sérieuse qu'Yorick semblait faire de ces deux jeunes femmes, en les regardant tour à tour, sans affectation et sans parler. Ce fut la première fois de sa vie qu'Ondine se demanda avec frayeur « Comment suis-je, moi ? Suis-je laide ?» et ses yeux baissés vers la terre protestaient qu'elle ne s'était répondu rien d'encourageant. Elle ne savait pas qu'une taille souple et naturelle, une tête ovale et pure, des cheveux qui pouvaient voiler toute sa timide personne, ne constituaient pas une grande laideur. Mais cette robe divine, ces tissus, cette écharpe fluide, ces rubans, ces parfums, ces fleurs, cet air tour à tour languissant ou hautain, ses yeux inquisiteurs ou dédaigneux, tout cela formait un prestige, un spectacle, un rêve à facettes éblouissant. La pauvre petite flamande, jusqu'alors, n'avait jamais pensé à la forme plus ou moins actuelle de sa robe de mousseline bleue, coupée à la Vierge, dont la propreté lisse faisait toute l'élégance. Madame Germaud n'était pas dans le secret de l'agitation qu'elle faisait naître. Une jeune fille retirée au fond d'un vieux cloître démoli, occupée tout le jour à tailler ses crayons, vêtue en petite pensionnaire et d'un maintien presque grave, n'était pas dans sa pensée au rang des femmes qui vivent et que l'on regarde. C'était un simple meuble d'atelier, en harmonie avec ce miroir couvert d'un nuage humide, où elle se regardait de temps en temps elle-même, parce qu'elle était indulgente, point moqueuse, et qu'il n'y en avait point là d'autre, comme elle se servait de M. Barbier quand elle le trouvait à la hauteur de son coude pour s'appuyer sur lui. « Et madame, votre mère, madame, si bonne, si simple, » dit M. Léonard avec intérêt, en traçant une esquisse de tous ces jolis riens, si frais, si chers, si essentiels pour madame Germaud. « Toujours mourante, monsieur Léonard, » répondit-elle. « Ah, Dieu, ne m'en parlez pas, tandis que vous me peindrez, bon monsieur Léonard, car ma figure serait toute bouleversée. » Et elle effaça avec promptitude un pli qui s'était formé sur son front, qu'elle aperçut dans le miroir peu flatteur du bon peintre. « Je n'en suis pas à la tête, madame, » reprit avec douceur monsieur Léonard. « Je peux donc vous exprimer mon chagrin de celui que vous prenez tant de peine à cacher. Mais sachant que par monsieur Barbier que vous étiez parti pour la campagne, j'avais espéré que madame votre mère était mieux. »« Oh, le médecin m'en avait répondu jusqu'à mon retour, » répliqua-t-elle vivement. « Sinon j'aurais perdu ce beau mois des roses pour ma mère. » « J'aime tant ma mère, je n'aime que ma mère, n'est-ce pas, monsieur Barbier ?»« Sans doute, » repartit monsieur Barbier en soupirant, à la place de madame Germaud, qui posait. « Mais il faut être raisonnable, » ajouta-t-il lentement, car il respirait avec difficulté, et reprenait haleine au milieu des phrases. « On sait l'ordre de la nature. Dieu lui-même a dit, « Tu quitteras ton père et ta mère. »« Assez, assez, » interrompit-elle avec une autorité charmante. « On ne dit pas ces choses-là au moment d'une grande affliction. Et quand on se fait peindre, on prend son temps, monsieur. C'est bon la veille ou le jour. » Mais il adore la citation et c'est perfide. C'est une de ses passions malheureuses comme le chant. Vite, monsieur, parlez d'autre chose, ou je vous boude et je ne sors plus avec vous. Elle est enjouée jusque dans la douleur, dit monsieur Barbier à demi-voix. C'est une grâce de son caractère et un bienfait du ciel qui fait toute notre espérance dans le coup qui va la frapper. Madame Germaud, pour ne pas décomposer encore sa figure, prit le parti de ne pas entendre ces terribles paroles, et M. Barbier se tut. Après un temps décent, il se remit à fredonner timidement pour amener un peu de gaieté dans la physionomie du modèle. Yorick salua profondément et disparut. Quel est ce loup ? Demanda madame Germaud, après l'avoir suivi curieusement des yeux. Un Allemand, madame, qui revient de Rome, où son goût pour les arts. Merci, monsieur Léonard, je le sais par cœur. Un Allemand sait tout dire. Ce nom est une physiologie, ajouta-t-elle en dévorant un petit bâillement expressif, qui ne fut point du goût de la jeune Ondine. Il a l'air en effet d'aimer les statues. Celle-là est froide comme la neige. Trouvez-vous pas ? Il me semble qu'elle n'aurait pas la moindre tournure, habillée comme nous. Ce n'est pas le même genre de beauté, mais les Grecs étaient fort amoureux de celle-ci. Parce qu'ils ne connaissaient pas nos modes, ces bons Grecs. Elle se leva fatiguée de se voir toujours terne dans la glace, et lui tourna le dos. Mais elle poussa un cri de joie en regardant l'esquisse de sa robe, amour de son cœur, rêve de sa nuit, et dit enfin solennellement « Monsieur Léonard, vous n'avez rien fait comme cela, vrai ? C'est fantastique, aérien. Le portrait d'Irma, avec son théorbe et son cachemire, pèsera 2000 auprès du mien. Et puis ce théorbe est d'une prétention. Comme si Irma disait « Voyez, j'ai un théorbe, je joue du théorbe, il n'y a que moi qui sache ce que c'est qu'un théorbe. » Ici, du moins, tout est vrai. De bon goût, n'est-ce pas ? Si mon mari me refuse quelque chose, après un tel présent, c'est qu'il lui manque une âme. De mari, s'entend. Car une âme comme tout le monde, il l'a, j'en conviens. J'aurais pensé, madame, qu'il a l'autre aussi, répliqua M. Léonard, qui la faisait parler par étonnement, et qu'il ne vous refuse jamais rien. Si, M. Léonard, reprit-elle sérieusement, et comme avouant à regret ce tort, le seul réel dont elle put accuser son mari. Il m'a refusé hier une parure urgente, un chapeau, point cher, 100 francs, et qu'appelait à grands cris cette robe modèle. « Ah, diable !» dit M. Léonard en regardant l'autre joli chapeau qu'il croyait du jour même. « On n'imagine pas, M. Léonard, quand on ne voit que l'extérieur des ménages. Mais il faut avouer, ajouta-t-elle avec l'empressement d'un enfant rapporteur qui a quelque effroi d'une révélation grave, il faut avouer que j'ai cédé sans révolte à sa prévoyance. Je dois prendre le deuil dans si peu de jours, pauvre mère, que peut-être j'aurais mis deux fois à peine le charmant chapeau qu'il me refuse. Il a raison, Monsieur Léonard, est une chose ennuyeuse, c'est vrai, mais bonne à consulter quelquefois. Moi, je m'y rends toujours après mes premières larmes. Comment voulez-vous que son mari ne l'idolâtre pas ? Dit Monsieur Barbier, attendri. C'est une petite magicienne, monsieur. Elle a plus de raison que nous, les vieux. Venez, mon page, s'écria-t-elle étourdiment. Vous savez, Monsieur Léonard, au temps du Moyen-Âge, une jeune dame châtelaine avait un page, tout petit et tout. Elle s'arrêta pourtant. En parcourant de la tête aux pieds, M. Barbier, qui préparait son épaule, et laissant écrit sur ses lèvres rieuses le mot « nain », qui le peignait au vif. Après avoir pris l'heure d'une nouvelle séance pour le lendemain, cette apparition bigarrée disparut de l'atelier monotone, et tout rentra dans l'ordre à ce coin paisible de l'ancien couvent des Capucines.